As I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Salut, Sylvain Latour ici de retour pour Subversion, édition du 22 janvier 2016. Je suis avec vous jusqu'à 19h30 sur Underground Québec, du moins jusqu'à ce qu'on se rende aux catacombes ce soir, ici même à Montréal, pour cette soirée intitulée A Cry from the Crypt avec Magic Circle et Cauchemar. Donc, pour ceux qui nous écoutent en direct, c'est un rendez-vous. Ce soir, émission de... Ben, en fait, la première partie de deux émissions consacrées aux meilleurs albums de 2015. Donc, on entendra évidemment une pièce de chacun de ces albums en décroissant. En ce qui me concerne, c'est seulement vers l'automne que j'ai senti qu'il y a eu une marée de nouveaux albums là, qui ont émergé en termes de quantité et de qualité. C'est une course très serrée qui s'est décidée à la toute fin pour l'obtention des 5-10 premières places. Dans quel ordre sont placés les 15 premiers, c'est pas tellement important. Mais c'est surtout un indicatif des albums qu'on va avoir le goût d'écouter, de réécouter encore plusieurs fois, là, contrairement à d'autres figurants dans le top 50 ou dans ou sur une centaine d'albums. Je dois préciser qu'il y a deux albums que j'ai écouté le plus en 2015. En fait, c'est des albums de 2000 et de 2014, soit Like It Here, Flame et Abit Abyss. Et Last Chance to Reason aussi, c'est des albums qui sont sortis, qui n'ont pas vu le jour en 2015, donc qui ne figurent pas dans ce top, mais que j'ai découvert quand même dans la dernière année. J'ai pensé de les mentionner au passage. Alors, pourquoi pas y aller tout de suite avec... les positions 13, 14 et 15. Donc, on entendra Solfald. On entendra aussi Ghost. Et évidemment, une pièce de Fear Factory de l'album Genexus. La pièce étant Protomech. 15e position pour 2015. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio.

Les Norvégiens de Solfald avec Le Soleil, pièce qui figure sur cet album qui figure en 13e position dans le top 30 2015. World Metal Cosmopolis Sud qui a vu le jour le 2 février sur Indie Recordings, mixé et masterisé au Oregon Studio de Londres. Le groupe, en fait, est toujours composé principalement du fameux duo Lazar Nedlund et Cornelius Jacken, avec évidemment une pléiade d'autres collaborateurs sur l'album. Un album, certes, le plus agréable à écouter, je dirais, depuis Pills Against the Ageless Hills, quoiqu'il n'atteigne pas, selon moi, le degré d'excellence et d'originalité retrouvé sur les trois premiers parus il y a plus d'une quinzaine d'années. On s'entend que le facteur originalité est quand même quelque chose d'encore toujours présent avec Solfald, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu moins... je sais pas si c'est la production qui donne cette impression-là, mais j'ai un petit peu l'impression que c'est que ça sonne un peu... un petit peu moins rebelle que ça a déjà été. Avant ça, on avait eu Ghost avec Mummy Dust, une des très bonnes pièces de l'album Meliora, paru le 21 août. Cet album s'était quand même hissé 8e sur le Billboard américain avec 29 000 albums vendus à sa première semaine. Les meilleures positions en Finlande et en Suède, premier, en Norvège, deuxième, au Canada, neuvième. Mais il y aura, c'est un album que j'ai eu de la difficulté au début. J'étais réticent à me convaincre que ça allait faire le top 30, cette affaire-là. Je me suis dit non. Malgré l'excellence de certaines pièces, je dis je me serais attendu à quelque chose de beaucoup plus meilleur que Enfestissumam, et là en plus la superstation de rock par défaut, le jukebox consolatoire montréalais, Chaume, ont commencé à faire jouer la pièce Cyrus à répétition, à nous en écœurer rapidement. Je me suis dit, bon, c'en est terminé pour Ghost. Eh bien non, j'ai finalement renouvelé mon écoute dernièrement de l'album et j'ai été agréablement surpris par mon expérience. Évidemment, les meilleures pièces de l'album, c'est vraiment des compositions top-notch, comme on dit. Puis ça a vraiment contribué là, à hisser l'album assez haut dans le top 30. Donc, ça c'était pour Meliora, 14e position. Et juste avant, évidemment, on avait eu Fear Factory avec Protomech de l'album Genexus qui figure en 15e place dans ce top 30. On s'en va en pause? Déjà? OK. Après la pause, je vous parle des trois autres positions, c'est-à-dire 10, 11 et 12. On aura Against the Plagues, Horrendous et le Tyler Dorey Trio. Évidemment, un trio canadien dont je vous parle plus en détail. Alors, de retour après cette pause. Ce que tu veux, oui, je l'ai, viens le chercher. Mais dépêche. Vous voulez une voiture munie de 47 caractéristiques de confort et de performance sans payer de supplément? Vous voulez une voiture complète? La voilà! Chrysler lance les Dodge Shadow et Plymouth Sundance à moins de $9,700. Viens le chercher! Chrysler, le meilleur produit, la meilleure garantie. Viens le chercher! le maudit Dodge Shadow, et ça marche pas, ça. Non. Hey, c'est Alexandre Forcier du groupe Meu, s'il nous écoute. Et tu dois pas être content. En tout cas, pour les fans de Meu, ils vont comprendre. Maudit Dodge Shadow, ça marche pas. OK. Non, il faut pas rire des commanditaires. OK, désolé. Désolé pour les propriétaires de Dodge Shadow. OK. Allez, je suis plus capable. Non, c'est pas qu'est-ce qu'on a eu, c'est qu'est-ce qui s'en vient. Le Tyler Dorey Trio. Non. OK. C'était quoi cette pub-là? Je suis plus capable. OK. On recule ça? Non, on y va. OK. Tyler Dorey Trio. C'est un trio canadien j'ai agréablement fait la découverte de ce trio surprenant à l'émission Rock Classique d'Alain Lefebvre à C'est Fou. Quand j'ai entendu cette pièce Time the Beholder, définitivement la pièce de résistance de ce EP, j'étais vraiment épaté par le talent de compositeur de Tyler Dorey, qui possède une voix remarquable en passant, et la qualité des arrangements et des harmonies. Je me demande encore comment est-ce possible qu'un tel talent puisse être aussi inconnu ailleurs en sol canadien et à l'étranger. Alors ça ne saurait tarder dans leur cas. J'espère qu'on va entendre du nouveau matériel de ce trio d'Edmonton dans le futur, parce que sur ce EP Carried Away de 4 pièces, et sur le précédent aussi qu'ils avaient sorti en 2014, on entend vraiment de bonnes choses. C'est très prometteur ce qu'on peut entendre. Le groupe cite comme influence Opeth, Alice in Chains, Dream Theater, Porcupine Tree aussi. Je pense que c'est vraiment ça. On entend des soubresauts de chacun de ces bandes dans leurs pièces. À mon avis, ce qui les empêche peut-être d'accéder à un statut supérieur, c'est peut-être au niveau de la production. Tout sonne très très bien, le mix est pratiquement parfait. C'est seulement peut-être au niveau des drums que, bon, on s'entend qu'on n'a pas la production là, de Intronaut ou de Ghost qui figure dans ce top 15 d'ailleurs. Mais quand même, je vous laisse juger de la pertinence de leur musique, de cette pièce principalement, Time the Beholder, une de mes belles surprises cette année, de l'année 2015. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. Thus, from the war of nature, from famine and death, there is grandeur in this view of life, with its several powers, from so simple a beginning, endless forms most beautiful and most wonderful have been and are being evolved. Subversion sur Underground Québec Radio. Against the Plagues, ce groupe de Chicago qui est venu nous surprendre en toute fin d'année avec un album assez percutant, Purified Through Devastation. La pièce était Theocrata, c'était notre 10e position. C'est un album qui a vu le jour, évidemment le 18 décembre sur Non-Servium Records, enregistré durant l'automne, en fait, au Wisconsin. L'album comprend 4 versions réenregistrées de pièces qui avaient paru sur un EP précédent de Quaternion. C'est du death metal à saveur symphonique avec une vigueur qui rappelle Behemoth ou encore celle de Dragon Lord au début des années 2000. Ça va plaire évidemment aux amateurs de Vader aussi, de Immolation et même Dimmu Borgir. Selon le chroniqueur de No Clean Singing qui a fait la review du disque, beaucoup a été fait par le groupe afin de retrouver leur propre son en plus d'un remaniement majeur afin de du line-up, ce qui en fait définitivement leur meilleur effort à date. Avant ça, on a vu ce trio étonnant de Philadelphie, Horrendous, l'album étant Anaretha. Et l'extrait qu'on a entendu, c'était Acolytes, c'est Anaretha qui est notre 11e position des meilleurs albums de 2015. Oui, ce trio de Philadelphie qui ne semble pas hésiter à incorporer à travers une multitude de bons riffs inspirés, diverses influences avec une texture sonore quelque peu death metal européen début 90 comme Pestilence ou Sinister, avec un côté un petit peu plus mélodique à la Opeth, Amorphis ou Afflicted, ce qui n'est pas sans déplaire dans le flot incessant de bandes amplifiées par Crank avec ses drums AK-47 hyper compressés, si vous voyez ce que je veux dire. Et au début du bloc, on avait eu le Tyler Dorey Trio d'Edmonton avec l'excellente pièce Time the Beholder du EP Carried Away de 2015, qui était notre 12e position. Qu'est-ce qui s'en vient? Oui, rapidement, 2 autres pièces. On aura Arcturus, Arcturian, qui est leur tout dernier, qui est en 8e position. On aura la pièce Angst. Et d'abord, Killing Joke en 9e position avec leur Pylon. On en va entendre la pièce Dawn of the Hive. Killing Joke, leur album Pylon est leur 15e studio. 16e place dans leur classement des meilleures ventes d'albums au Royaume-Uni. Ma dernière écoute de cet album m'a convaincu de l'intégrer dans les 10 premiers, effectuant un dépassement spectaculaire dans le dernier droit, laissant derrière les Ghosts, Solfal des compagnies. À noter en passant, si mes notes veulent bien collaborer, ça l'a exclu aussi du top 15, les albums de Firespawn, Emgla, Melekesh, Engra et Cryptopsy qui figure quand même dans les 20 premiers, et suivi de près par ceux de Nex, Satan, Slayer, Vanta Black Warship, Aggression, Camphor, Malvern Creation, Nile, Abyssal. Top 30, oui, que vous pouvez consulter en détail sur la page Facebook de Subversion, comme je disais en début d'émission. Qu'est-ce que je disais à propos de Killing Joke, malgré le fait que j'étais conscient de la qualité du matériel qui figure sur leurs albums depuis plusieurs années, j'ai été surpris par la texture de certaines pièces un peu plus heavy industrielles, un genre qu'ils ont contribué à instaurer avec leur Pandemonium de 1994. La transposition et le ton de la voix de Jazz Coleman, 55 ans, sont des éléments qui comptent pour beaucoup dans l'appréciation de l'expérience auditive qu'offre Killing Joke encore sur ce dernier album. Du matériel accrocheur, teinté de nuances post-punk, new wave, gothique, industriel, le tout entre le rock et le métal, et agencé de brillantes façons. Donc, on entend à l'instant cette pièce de Killing Joke, Dawn of the Hive, 9e. Et si vous le voulez bien, revenez-nous la semaine prochaine pour plus de musique subversive et pour la deuxième partie de ce spécial Top 2015. Salut, à la prochaine! Subversion sur Underground Québec Radio.